la grandeur. Que belle est la vertu devenue sacrifice lorsqu'une vieille femme, près de son dernier souffle et que par manque d'air son visage boursoufle, refuse un soin urgent et sauve ainsi son fils. Oui, grandiose est l'homme, et plus encore la femme, confrontée à l'épreuve du combat vital. Sublimés par l'ampleur d'un enjeu capital, ils offrent sans compter les forces de leur âme. Au pire de nos malheurs, ils nous donnent l'espoir que l'avenir est beau quand les humains sont nobles, jusqu'à tout sacrifier dans une fin ignoble pour sauver leurs aimés d'un sort attentatoire. Alors la vie palpite et le ciel se pare des couleurs de la joie en élans explosifs. Quant aux balcons urbains, le peuple admiratif applaudit ceux qui luttent contre ce cauchemar.